السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، so for the maybe the English speaking brothers is a French talk, but it's always half Arabic half French, so inshallah you can attend, you may attend if you wish to do so. So لازلنا في دراسة كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي لشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: باب في مفسدات الصوم. Donc le noble et très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit en guise d'explication du livre du jeûne tiré de son ouvrage Le Conseil de Jurisprudence Al-Mulakhas al-Fiqhi, chapitre au sujet des annulatifs du jeûne. Il dit, حفظه الله تعالى, للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها. Il y a des choses qui annulent le jeûne et qu'il est obligatoire aux musulmans de connaître afin qu'ils s'en écartent et qu'ils y prennent garde, qu'elles rompent le jeûne de celui qui jeûne et l'annule. Il y a parmi ces annulatifs que le cheikh va les citer, inshallah. Le cheikh dit, حفظه الله, يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الجماع. فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول بأن الصاع بالمقدار الحالي هو تقريبا ما هو دون 3 كيلو. دوك الشيخ دي حفظه الله تعالى: lorsque le jeuneur incuit un jima, son jeûne est annulé et il est obligatoire de remettre le jeûne de ce jour au cours duquel il a eu un coït et une expiation. Donc il y a le qada ou le kafara, hein, il y a ce qu'on appelle le qada. On avait vu que l'ada ou le qada, l'ada c'est le fait de jeûner au moment même, le qada c'est le fait de remettre le jour. Donc celui qui a un coït pendant un jour de jeûne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit le shir, son jeûne est annulé, il est obligatoire de remettre le jeûne, le qada, de ce jour au cours duquel il y a un coït et wal kafara, et une expiation lui est obligatoire en plus du fait de remettre ce jour. Et c'est de libérer un esclave, et s'il n'en trouve pas ou qu'il n'en trouve pas la somme, il est alors obligatoire de jeûner 2 mois de suite. Et s'il n'est pas capable de jeûner 2 mois de suite en raison d'une excuse légiférée, li sababin shar'i, li udrin shar'i, il est alors obligatoire de nourrir 60 pauvres, en donnant à chaque pauvre la moitié d'un sa', nisfu sa', de la nourriture qui est mangée dans le pays. On a dit qu'un sa', Cheikh Abdel Aziz Ben Baz, rahmatullah alayk, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, comme c'est disponible sur son site, qu'un sa' est dans la mesure d'aujourd'hui un peu moins de 3 kilos. Un peu moins de 3 kilos. Ça, c'est un sa'. المفسد الثاني من مفسدات الصيام إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه، وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، وصيامه صحيح، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. Deuxième annulatif parmi les annulatifs du jeûne, c'est l'éjaculation en raison soit d'un baiser, hein, ce qu'on appelle le taqbil, an yuqabbila zawjatah, le fait d'embrasser son épouse, ou d'un contact, l'ams, ou d'une masturbation, istimna, ou de la répétition d'un regard. Je rappelle que ce qui concerne la masturbation, c'est que les ulama l'interdisent, hein, que c'est interdit. Ils utilisent notamment le verset qui dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Sourate al-Mu'minun. Ça, c'est une des preuves qu'ils utilisent pour dire que la masturbation, c'est interdit. Si cela arrive, son jeûne est annulé, l'éjaculation. Et il lui est obligatoire de remettre le jour, mais sans expiation. Contrairement à quoi? Au coït, au jima'. Ce qu'on avait dit que le jima', c'est que le qada ma' al-kafara. Tandis qu'ici, inzal al-mani, c'est quoi? Al-qada faqat, bidoun al-kafara. Sans expiation, car l'expiation est spécifique au coït. Quant au dormeur qui éjacule, il n'y a rien à cela, et son jeûne est valide, car cela est arrivé sans qu'il ne le veuille, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette manière qui n'est pas intentionnelle. Mais il lui est obligatoire de se laver de son état de grande impureté, al-janaba. L'amr thalith, al-aklu, aw al-shurbu muta'ammida. Liqawli ta'ala, وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ من سورة البقرة. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلمين. Manger et boire de manière intentionnelle, et c'est en raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est manger et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Surat al-Baqara, verset 187. Quant à celui qui a mangé et bu par oubli, nasiyan, cela n'influence en rien son jeûne. Et dans le hadith, celui qui oublie alors qu'il est en état de jeûne et mange ou boit, qu'il complète son jeûne. Car ce n'est que le fait qu'Allah l'a nourri et abreuvé. Et comme on a dit, c'est un hadith qu'on appelle muttafaqan alayhi, ay ittafaqa shaykhan ala ikhrajih, wa huma al-Bukhari wa Muslim, wa lafdhu li muslimin, min hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. ثم يقول الشيخ شيخ الفوزان حفظه الله وما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالصعوط وأخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. Que l'eau ou quelque chose de similaire arrive dans l'abdomen, filjauf, par voie nasale. Et c'est ce qui est appelé as-sa'out. As-sa'out, c'est le médicament qui est injecté par le nez. Hein? Aussi, la prise de nutritifs par intraveineuse et la transfusion de sang dans le jeûneur. Tout cela annule le jeûne car c'est une nutrition pour lui. Et aussi l'injection nutritive dans le jeûneur, car elle remplace la nourriture, et cela annule le jeûne. Cheikh dit, ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويؤخرها إلى الليل. والحديث الذي ذكرناه أخرجه من حديث حسن بن علي أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، وقال الترمذي: هذا حسن حديث حسن صحيح. Quant à l'injection qui n'est pas nutritive, donc il y a une injection ibir mughadhiya ou ibir ghair mughadhiya. Maintenant on parle de l'ibir ghair mughadhiya. Quant à l'injection qui n'est pas nutritive, il convient au jeûneur de s'en écarter afin de préserver son jeûne. Et raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam: laisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne suscite pas en toi le doute. Et donc retarde-la jusqu'à la nuit. Ça, la dernière parole, c'est la parole de Cheikh Fawzan, quand il dit: et donc retarde-la jusqu'à la nuit. Ça, c'est Cheikh Fawzan. Sinon, le hadith, il est rapporté d'après le hadith d'Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, par Ahmed et Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i Al-Hakim, il est jugé authentique, sahha ou Cheikh Al-Albani, rahimahullah. ثم إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم يتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. عليك السلام. Maintenant, on parle de faire sortir le sang du corps. Ikhraj dam min al-badan. Hijama, ou ce qu'on appelle phlébotomie. C'est quoi? C'est la saignée veineuse. C'est une saignée par la veine, une saignée veineuse. Ou le prélèvement de sang, tahlil, pour l'analyse. Et le cheikh, il dit, afwan, je répète ici, faire sortir du sang du corps par une hijama, ou ce qu'on appelle fasd, c'est la phlébotomie, hein, la saignée veineuse, ou le prélèvement de sang afin de le donner pour porter secours à un malade. لِإِسْعَافِ مَرِيضٍ. Tout ceci annule le jeûne. Quant à faire sortir du sang en petite quantité, comme ce qui est prélevé pour une analyse, cela n'influence pas le jeûne. De même, le saignement qui n'est pas intentionnel, en raison d'un saignement du nez, رِعَاف, ou d'une blessure, ou de l'arrachage d'une dent, hein, cela n'influence pas le jeûne. Cheikh il continue, hafidahullah ta'ala, il dit: l'amr al-khamis ou min al-mufattirat al-taqayyu. Ouhuna il cheikh yu'arif ma huwa al-taqayyu. Il va donner une définition de al-taqayyu. Al-taqayyu huwa istikhraju ma fil ma'dati min ta'amin ou sharabin an tariq al-fam muta'ammida. Je répète, كتبوها واحفظوها ان شاء الله واحفظوا التعريف. استخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم متعمدا فهذا يفطر به الصائم. اما اذا غلبه القي وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث من حديث أبي هريرة وراه أبو داود الترمذي وابن ماجه والصحابي الشيخ ناصر رحمة الله عليه. Donc on a dit, parmi les annulatifs du jeûne, il faut faire la différence entre le fait de القي والتقيء. Le fait de vomir et de se faire vomir. Donc Cheikh il dit se faire vomir. Et c'est de faire, et dans la définition de ce qu'est التقيء dans la langue arabe, eh bien c'est de faire sortir ce qui se trouve dans l'estomac en termes de nourriture et de boisson par la bouche de manière intentionnelle, c'est-à-dire que tu te fasses vomir. Cela annule le jeûne de celui qui jeûne. Mais si les vomissements ont lieu de manière non intentionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un vomit sans le vouloir, sans se faire vomir, et que le vomi sort sans sa volonté, alors cela n'influence pas son jeûne. Et c'est en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam: celui qui est dépassé par le vomissement. Ou yaqul al-shaykh huna man dar'ahu al-qay fi al-hadith yaqul al-shaykh wa ma'na dar'ahu al-qay ay kharaja bidun ikhtiyari wa ma'na qawli sallallahu alayhi wasallam استقى أي تعمد القي. Donc le cheikh il dit Hafidahullah, celui qui est dépassé, c'est le hadith, celui qui est dépassé par le vomissement ne doit pas remettre le jeûne. Et celui qui se fait vomir de manière intentionnelle, falyaqdi, qu'il remette le jeûne. On a dit c'était quoi le qada? C'est le fait de remettre à un autre jour le jeûne qui est donc annulé. Et Cheikh il dit, qu'est-ce que le sens de man dara'ahu al-qay? Même à la dalik. Aïe, que le vomi sort sans sa volonté. Bidou l'akhtiyarihi. Et le sens de se fait vomir, istaqa'a, amdan, c'est-à-dire vomi de manière intentionnelle. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداوات العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. Et il convient que le jeûneur s'abstienne de se parer de kohl, ou de ce qu'on appelle en français le kohl, hein? Ce qu'on appelle l'ektihal, c'est ce qu'on utilise pour s'embellir, et c'est ce qui est noir, et que même certains hommes mettent autour des yeux. Cheikh, il dit, il convient que le jeûneur s'abstienne de se parer de kohl, et de soigner les yeux avec des gouttes ou autres au moment du jeûne, afin de préserver son jeûne. Puis il va parler de la مسألة المضمضة والاستنشاق. ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Alors ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق؟ الفقهاء في كل مضمضة في كل تعريف المضمضة. J'en vois qui font le mouvement. Hein, mais c'est quoi le tarif? Le madmada. Petite faïda que je vais vous rapporter ici par rapport au madmada. يقول الشيخ العثيمين في شرح الممتع المجلد الاول من شرح الممتع على زاد المستقنع هو شرح على زاد المستقنع يقع على تقريبا تحديدا 15 في 15 مجلدا. Le premier volume c'est sur Tahara et il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. ثم يتمضمض المضمضة ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. C'est quoi le madmada? Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique que c'est de faire entrer de l'eau dans la bouche, puis de la rejeter par la bouche. Allez, que c'est là. Voir Sharh al-Mumti' al-Zal al-Mustaqni', volume 1, page 208. Une fa'ida par rapport à fa'ida huna, hawl al-madmada. Wa hal yajibu an yudir al-ma'u, hein, fi jami'i, famihi amla, mas'ala. Yaqul Cheikh Al-Uthaymeen, Sharh al-Mumti', qala al-ulama, rahimahumullah, الواجب إدارة في الفم أدنى إدارة. العلماء دوك الشيخ يبوز une question, il dit comme il parle de la madmada dans ce qui concerne le wudu, il dit la madmada, est-ce qu'il est obligatoire de faire tourner l'eau dans toute la bouche ou pas? Hein, الشيخ il dit, قال العلماء, les savants disent qu'Allah leur fasse miséricorde, الواجب إدارة في الفم أدنى إدارة, ce qui est obligatoire c'est de la faire tourner au minimum. Pourquoi? وهذا إذا كان الماء قليلا لا يملأ الفم. Ça c'est si l'eau est peu et qu'elle remplit pas toute la bouche. فإن كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. فقد حصل المقصود. Et donc si l'eau, il y a beaucoup d'eau et que donc ça remplit toute la bouche, et bien alhamdulillah, ce qui est voulu est fait. D'accord? وهي وهل يجب, ici هي الصواب والله علم سهل, وهل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها. Question qui pose sur l'Athémine, et est-ce qu'il est obligatoire de retirer ce qu'il a dans sa bouche comme reste de nourriture et de faire ce qu'on appelle tahlil entre les dents afin de y faire entrer l'eau entre les dents? Mas'ala. الظاهر أنه لا يجب. Cheikh Al-Uthaymeen dit ce qui est apparent c'est que c'est pas obligatoire. Mas'ala أخرى. وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء؟ Là, on est en train tous de vieillir, ça risque de nous considérer, hein? Hein? De nous concerner tous un jour ou l'autre. هل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ Question. Est-ce qu'il est obligatoire de retirer les prothèses dentaires, c'est-à-dire mais celles qui sont amovibles. D'accord ? إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ Si ça empêche l'eau d'arriver à ce qu'il y a en dessous de ses prothèses amovibles ou pas, ou c'est pas obligatoire. Et ça fait partie de la précision de Cheikh Al-Uthaymeen, faqih rahmatullah alayh. Hein? Rahmatullah alayh. Ani, je vous conseille les livres de Cheikh Al-Uthaymeen, ahuthukum ansahukum bi kutub Cheikh Al-Uthaymeen fil fiqh wa fi ghayr al-fiqh. Innahu min muhaqqiqi ahli al-'ilm rahmatullah alayh. الظاهر أنه لا يجب وهذا ليشبه الخاتم شيخ العثيمين دي الظاهر سكي أبارون سكي سيبا أوبيغاتوار إسا رسومبل أكوا الخاتم لنو والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء إلا باق لنو إلي أوبيغاتوار لنلفي بور الوضوء بل الأولى أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب سكي بخيرفيغاب سكي ميو سكي فيان بخوميي سي دي بوجي لنو مي با دي لنلفي le fait de le bouger mais pas de manière obligatoire. Il dit l'aula mais laisse à la sabil wujub. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه الخاتم. Il professeur dit mettez un anneau, il mettait une bague. Un anneau. ولم ينقل انه كان يحرك عند الوضوء. Il n'a pas été rapporté qu'il le bougeait lors de l'ablution. وهو اظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الاسنان. Et l'anneau et plus en termes de blocage de l'eau pour arriver aux doigts, si vous voulez, que ces dents qui sont, ces prothèses qui sont quoi, amovibles. Voilà si yama anou yashqu naz'u hadhihi at-tarkiba 'inda ba'd an-nas. Il n'y a aucun doute que c'est difficile chez certaines gens de retirer, cette prothèse amovible. Mas'alat al-istinshaq fi as-siyam. On a dit ولا يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق. فعرفنا المضمضة وتكلمنا عنها. هنا ديفيني المضمضة. هنا بارلي دو سا. والان نتكلم عن الاستنشاق ونعرف الاستنشاق ونتكلم عنها او عنه. اي الى دي البروفيت صلى الله عليه وسلم كي ناي با لوان لا يبالغ كي ناي با لوان دون المضمضة كوتي اون ايتا دو صيام. ني دون الاستنشاق. كار il se peut que l'eau aille dans l'abdomen, dans le jauf, dans l'abdomen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et va loin dans l'istinshaq sauf si tu jeûnes. C'est quoi l'istinshaq? Cheikh Al-Uthaymeen yaqul fi nafs al-masdar ou fi al-masdar nafsihi. Qawluhu yastanshiq al-istinshaq an yajdhib al-ma'a bi nafasin min al-an min anfihi. Hada ta'rif. L'istinshaq an yajdhib al-ma'a bi nafasin min anfihi. C'est d'aspirer l'eau en respirant par le nez. D'accord ? Ce qu'on appelle l'istinshaq. C'est-à-dire, la définition, c'est jazbul ma binafasin min al-anf. C'est-à-dire, le fait de faire rentrer l'eau par le nez en respirant par le nez. D'accord ? Maintenant, il y a aussi, on va voir après, c'est l'istinshaq et c'est l'istinfar. L'istinshaq, c'est de faire rentrer l'eau dans le nez en respirant par le nez. Et l'istinfar, c'est le fait de rejeter cette eau par le nez. D'accord ? Est-ce que l'istinthar est wajib ou pas ? Ah, le fuqaha, qu'est-ce que vous dites ? L'istinshaq, on a dit que c'est d'aspirer l'eau en respirant par le nez. Voir Sharh al-Mumti' al-Mustaqni' al-Mujallal al-Awwal, safha 209. Wa hal yajib al-istinthar, Cheikh Al-Uthaymeen Nidi ? قالوا الاستنثار سنة. انظر الإنصاف. الشيخ يدون غفرانس يدي انظر الإنصاف. ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى. وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبيرة أو بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. C'est le hadith qu'on vient de traduire. On traduit déjà ça, que je m'y retrouve. L'istinfar. On a dit c'est quoi l'istinfar? Cheikh répond la question est-ce que c'est wajib ou pas? Il dit c'est une sunnah. D'accord? Et il n'y a aucun doute que la pure purification du nez ne peut être accomplie de manière complète que par l'istinfar après l'istinchaq. إلا بعد الاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى, afin que ce qui se trouve comme saleté dans le nez soit retiré. Maintenant, مسألة, هل يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق؟ قال العلماء, les savants ont dit, يبالغ إلا أن يكون صائما. نعم, يبالغ إلا, استثناء, أن يكون صائما. Il va loin dans l'estinchaq, et c'est ce qu'on est en train de voir ici justement, sauf s'il est en état de jeûneur, hein, en état de jeûne, de jeûne. Hmm? S'il est à jeûne. En raison de quoi? Du hadith de l'Qit ibn Sabira, c'est le hadith qu'on vient de citer, et il est rapporté dans Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, et il est jugé, sahaw, Cheikh Nasser al-Albani, rahmallah, le hadith l'Qit ibn Sabira. C'est dans certaines, la version de Tirmidhi, vous pouvez peut-être trouver Sabra. مسألة وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية زوائد, لأنه مع المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر في ذلك, فهذا يقال له يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخل المنخرين. مسألة celui qui a des poches nasales, il a des zawaïd en plus, si vous voulez, ou je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais un zawaïd, lui, il ne fait pas le mubalagha. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans cette mubalagha, en allant loin, l'eau reste dans ses poches nasales. Et que donc, il y a une mauvaise odeur qui en sorte, ou qu'il soit atteint d'une maladie en raison de cela. Et donc, on lui dit, il te suffit à celui qui a cette situation, dans cette situation-là, il lui suffit de quoi? De faire rentrer par l'istinchaq, qu'on a défini comme étant le fait de faire entrer l'eau par le fait de respirer par le nez, dans le nez, eh bien, il suffit de faire l'istinchaq de manière à ce que l'eau soit dans les deux, quoi? Dans les deux narines, al-mankhirain. D'accord? Mais il ne fait pas le mubalagha, le fait d'aller loin. Avec cela, on a fini la faïda de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, et on continue, nous voici le kalam de Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc c'était le hadith de l'Aqit ibn Sabira, comme on a dit, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Sahih Cheikh Al-Nasa'i, Ibn Majah, et Sahih Cheikh Nasir rahmatullah alayh. Siwak, mas'alat siwak. Wa siwak la yu'athiru ala siyam, bel huwa mustahab. Wa muraghabun fih. للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. وأحثكم وأنصحكم بقراءة كتاب السواك من سنن النسائي بشرح شيخ الإثيوبي. Je vous conseille vivement de lire le premier qui dans كتاب الطهارة d'ailleurs de سنن النسائي بشرح شيخ الإثيوبي. ففيه من الفوائد, يعني من الفوائد الجمة, يعني صراحة il y a beaucoup beaucoup de فوائد dans cette si vous voulez une fois on le traduira inshallah si on a le temps, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fawaïd. Il parle en long et en large, comment faire le siwak, hein, les différentes riwayat, hein, même le fait de comment faire le siwak par la langue et aux dents, etc. Et c'est quoi la définition de tasawuk, etc. Et c'est vraiment en détail. Cheikh dit, les siwak n'influencent pas le jeûne, mais au contraire, il est recommandé et un sujet d'incitation pour le jeûneur autre que lui. Au début de la journée et à sa fin, selon la vie qui est correcte. Donc, sur l'Éthiopie, il rapporte les différentes situations. Il dit, par exemple, le sunnah d'avant de rentrer chez soi. Aussi, il donne différentes situations par rapport au wudu, par rapport au fait que si tu as parlé beaucoup, si tu n'as pas mangé, etc. Dans beaucoup de situations, il rapporte en fait, ولو طار في حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. Et si de la poussière ou une mouche, ذباب, vole vers son gosier, cela n'influence pas son jeûne. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم وإن سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم. فإن بعض الناس قد يسول عليه ترك الطعام والشراب. ولكن لا يسول عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. Il est obligatoire au jeûneur de s'écarter du mensonge et de la médisance et de l'insulte. Et si quelqu'un insulte, qu'il dise « Je jeûne ». Certaines personnes peuvent trouver facile de s'abstenir de manger et de boire, mais pas de délaisser ce dont ils ont l'habitude en termes de mauvaises paroles ou d'actions et de mauvaises actions. Et c'est pour cela qu'un pieux prédécesseur, il a dit « Le jeûne le plus facile est de délaisser la nourriture et la boisson ». Et il est donc obligatoire aux musulmans de craindre Allah et de sentir la grandeur de son Seigneur, et qu'il le voit à tout moment et à tout instant, et donc qu'il préserve son jeûne de ce qu'il annule ou le diminue afin que son jeûne soit valide. Parce qu'il mufsidat as-siyam wa munqisat as-siyam. Hein, il y a les choses qui annulent le jeûne, il y a les choses qui diminuent la récompense du jeûne. وينبغي للصائم ان يشتغل بذكر الله وتلاوه القران والاكثار من النوافل. فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث أخرج البخاري من حديث أبو هريرة من حديث أبي هريرة. Il convient celui qui vient de s'occuper à évoquer ce qu'on appelle le dhikr d'Allah et à réciter le Coran. Il a multiplié les prières surrogatoires, nawafil. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils jeûnaient, s'asseyaient dans les mosquées et disaient « Nous préservons notre jeûne et nous ne médisons au sujet de personne. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas la fausse parole et sa mise en pratique, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et le hadith, le rapporté par Abu Huraira, il est rapporté dans Sahih Bukhari. شيخ الدين حفظه الله وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله أو لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد تقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. كنت يظل فقه شيخ الفوزان دي علماء الدي. Et cela est en raison du fait que le fait de se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, en délaissant ses désirs, qui sont licites en dehors du temps du jeûne, ne peut s'accomplir qu'après s'être rapproché de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant ce qu'Allah lui a interdit en tout temps, comme le mensonge et l'injustice et l'oppression envers les gens, dans leur sang et leur bien et leur honneur. عن أبي هريرة مرفوعا كون في رواية فسافك سن صيغة التمريض سوفون العلماء يتولي سن صيغة كون ساحة ضعيف ذلك فقط إلى ضعيف. روي عن أبي هريرة مرفوعة الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. الحديث أخرج الديلمي في مسند الفردوس واللفظ له وابن عدي في الكامل وأخرج ابن أبي شيبة من قول أبي العالية. ذلك فقط الحديث Il est jugé très faible, d'arrive jiddan, par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est quoi ce hadith? Il était rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûneur est ton adoration tant qu'il n'a pas médit au sujet d'un musulman et ne lui a pas causé de tort. » Et d'après ce hadith qu'on a dit, il est jugé très faible. Et d'après Anas, « Wa an anasin man sa'ma man dhalla ya'kulu luhum an-nas » n'a pas jeûné, d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a pas jeûné celui qui passe son temps à manger la chair des gens. Mais ce hadith, il est jugé aussi faible par Cheikh Al-Albani da'afa ou Cheikh Anas rahmatullah alayh. Cheikh Al termine ce chapitre en disant فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال. Et donc le jeûneur délaisse des choses qui lui sont licites en dehors du jeûne, et dont il est plus en droit qu'il délaisse les choses qui ne sont jamais licites, afin qu'il soit compté parmi les vrais jeûneurs. Autre chapitre, on termine avec ce chapitre, bab akhar, inshallah, nakhtim ba'dal hadha al-bab inshallah. Bab fi bayani ahkam al-qada lis-siyam. On a parlé de qada, c'est le fait de remettre un jour. Maintenant, il y a des ahkam au niveau de l'qada. Et Cheikh, il dit, ce chapitre au sujet de ce qui incombe à celui qui n'a pas jeûné. Salam. Est-ce que j'ai passé quelque chose ou pas? J'ai sauté un chapitre, mais c'est pas grave, on le traduira après, Inch'Allah. On va faire un autre chapitre, on va faire Bab fima yalzamu man aftara li kibarin aw maradin. Chapitre au sujet de ce qui incombe à celui qui n'a pas jeûné en raison de la vieillesse ou d'une maladie. In Allah subhanahu wa ta'ala aujaba sam ramadan ala al muslimin ada'an fi haqq ghayri dawi al a'dhar wa qada'an fi haqq dawi al a'dhar alladhina yastati'un al qada'a fi ayyam ukhra. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. الله سبحانه وتعالى الله لتخوى أغاندو لجن أبليغاتور المسلمان كيل سن أكيد أمو مومم دو جن سكونا بل أداء. Et cela concerne ceux qui n'ont pas d'excuses ou qu'ils en remettent les jours du jeûne. Qada'an. Et cela concerne ceux qui ont des excuses, ceux qui ont la capacité de remettre ces jours à d'autres jours. Et il y a une troisième catégorie qui ne sont pas capables de jeûner, qui ne sont capables ni de jeûner au moment même du jeûne, ni de remettre le jeûne plus tard. Comme le vieillard et le malade dont on n'espère pas la guérison. Allah a allégé, facilité pour cette catégorie et leur a rendu obligatoire au lieu de jeûner, de nourrir un pauvre d'une moitié de sa de nourriture. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من سورة البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في كتاب التفسير من الصحيح. دونك الشيخ اللي دي سي il cite un délit du Coran, la parole d'Allah dans la traduction du sens est, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqara, verset 286. Et Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Surat al-Baqara, verset 184. Ibn Abbas, tourjama al-Qur'an, radiyallahu anhu wa ardah, radiyallahu anhuma, wa ardahuma, quand l'autre les agrée tous les deux, a dit, c'est le vieillard et la femme âgée. Ils ne sont pas capables de jeûner, et donc qu'ils nourrissent un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Suivez-le, hein? Le Cheikh il dit والمريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. Et le malade dont on n'espère pas la guérison au sujet de sa maladie est au même titre que le, dans le jugement que le vieillard, et donc il nourrit pour chaque jour de jeûne manqué un pauvre. واما من افطر لعذر يزول كالمسافر والمريض اي مريض المريض مرضا يرجى برؤه أو يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Quant à ceux qui ont rompu leur jeûne en raison d'une excuse temporaire, comme le voyageur et le malade qui est malade d'une maladie dont on espère la guérison, dont on espère qu'elle va partir, et la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent toutes deux pour leur propre personne ou pour leur enfant, et celle qui a ses menstrues, al-ha'id, ou al-nufasa, et celle qui est en période de lochi, Il est obligatoire à tous ceux-là de remettre les jours de jeûne manqués, le qada, en jeûnant le nombre de jours où le jeûne a été rompu à d'autres jours. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas jeûné, toutes ces gens-là, ils n'ont pas jeûné ces jours-là, et bien vous allez le remettre à un autre jour, hein, et remettre, et donc faire ce qu'on appelle le qada, le nombre égal de jours. Alors le traudi, c'est dans la traduction du sens est, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Surat al-Baqarah, verset 185. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة لقول تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. Et le fait de ne pas jeûner pour le malade à qui le jeûne cause du tort et pour le voyageur qui a la permission de raccourcir les prières est une sunna. Et sans raison de la parole d'Allah dont la traduction du sens est à leur sujet, alors qu'ils jeûnent un nombre d'égal égal à d'autres jours. Alors qu'ils jeûnent un nombre égal d'autres jours. Surat al-Baqarah verset 185. C'est-à-dire, hey, qu'ils rompent le jeûne et qu'ils remettent le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens « Et Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Surat al-Baqarah, verset 185. « Il n'a pas été donné un choix. »« Ma khuyira al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrini illa akhtara aysarahuma. » Il n'a pas été donné un choix entre deux choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il n'en choisisse la plus facile. Le hadith, min hadith Abi Huraira, wa huwa hadith muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari wa Muslim. Et il a été rapporté dans les deux authentiques, le Bukhari ou le Muslim, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de l'obéissance à Allah, laysa min al-birri as-siyam fi as-safar, de jeûner en voyage. Wa amma wa in sama al-musafir aw al-marid alladhi yashaqqu alayhi as-sawm, sahha sawmuhuma ma'a al-karaha. Wa amma al-ha'id wa an-nufasa fa yahrumu fi haqqiha as-sawm حال الحيض والنفاس ولا يصح. Et si le voyageur ou le malade, pour qui le jeûne comporte une difficulté jeûne, leur jeûne est valide tout en étant, ce qu'on appelle le karaha, tout en étant détestable. Quant à celle qui a ses règles et à celle qui est en période de loshi, il leur est illicite. La yajuz, il a dit le cheikh ici, fayahrum, haram, pour elle de jeûner. Toutes deux en période de menstrue ou en période de loshi et leur jeûne n'est pas valide. Voilà yasih. Wal murdi' wal hamil yajibu alayhima qada'u ma aftarata min ayyamin ukhar wa yajibu ma al qada'i ala man aftarat lil khawf ala walidiha waladiha it'am miskinin an kulli yawmin aftarata. Wa qala al-'allamah ibn al-qayyim rahimahullah afta ibn 'abbas wa ghayruhu min as-sahaba fi al-hamil wal murdi' إذا خافت على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام يعني وهذا القول يعني من زاد المعاد يعني أداء كما قال شيخ الفوزان يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. Quant à celle qui allait et à la femme qui est enceinte, il leur est obligatoire à toutes deux de remettre les jours de jeûne qu'elles ont rompu à d'autres jours. Elle est obligatoire, en plus de la remise de ces jours, ziyadan ala al-qada, de faire ce qu'on appelle. Il est obligatoire, en plus de la remise de ces jours, pour celle qui a rompu le jeûne, par crainte pour son enfant, nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne qu'elle a manqué. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, Ibn Abbas et d'autres que lui parmi les compagnons ont donné la fatwa au sujet de la femme enceinte. Et de celles qui allaitent, qui ont une crainte pour leur enfant, de rompre leur jeûne et de nourrir pour chaque jour un pauvre, afin de remplacer le jeûne par le fait de nourrir un pauvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Charles Fosani dit ? Il dit, c'est de remplacer le jeûne au moment même, le jeûne qu'on appelle Ada, de le remplacer par quoi ? Hein ? Par le Qada. C'est-à-dire que tu remets les jours. Mais en plus, quoi, là, il a dit que nourrir pour chaque jour un. Eh ouais, les frères, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Un pauvre. Un tum hadirun. Un naimun, un raibun. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. شيخ الدين حفظه الله. Il est obligatoire de rompre le jeûne pour celui qui en a besoin afin de porter secours à celui qui est en danger de perdition, comme celui qui se noie ou autre personne similaire. وقال المقيم رحمه الله وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ومثله مسألة الغريق. Ibn al-Qayyim a dit rahimahullah, les raisons de ne pas jeûner sont au nombre de quatre: le voyage, la maladie, les menstrues, la peur de perdition pour celui qui pour lequel on a peur qu'il soit voué à la perte en raison du jeûne, comme la femme qui allaite ou la femme enceinte. Et similaire à cela, il y a l'affaire du noyé, le ghariqa. Voir les notes de bas de page de Rod le Mourbi'a. Volume 3, page 379-380. Maintenant, il va parler de Meselat Niyya. Tabiyyat Niyya, comme disent les ulama. Il dit le cheikh ici. يجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب. Ce mot واجب est important ici. On va voir pourquoi, Inch'Allah. كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر. بأن يعتقد أنه يصوم رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعة: إنما من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل. فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يزئه إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بالنية من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما الصوم النفلي فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلى البخاري، أي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفي دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص بالأدلة المانعة. فشرط صحة الصوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. Alors, مسألة ici importante de bien suivre ici par rapport à ce qui concerne النية et les différentes situations. Il est obligatoire aux musulmans d'avoir de manière spécifique dans la nuit l'intention du jeûne obligatoire. Il va donner des exemples de jeûne obligatoire. Il y a quoi? Le jeûne ramadan. Il n'y a pas que le jeûne ramadan qui est obligatoire. Il y a ce qu'on appelle le jeûne d'expiation. On en a parlé il y a un instant. Ce qu'on appelle le somme al-kaffara. Et aussi ce qu'on appelle le jeûne de vœux, nadr. Et c'est qu'il croit qu'il jeûne un jour du mois de ramadan ou sa remise, son qada, ou qu'il jeûne en raison d'un vœu ou d'une expiation. Et c'est en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que là, dans la nuit, avant le jeûne, tu aies cette intention du jeûne obligatoire pour le jeûne obligatoire. C'est-à-dire que tu aies l'intention de jeûner pour ce jeûne qui est obligatoire. Contrairement au jeûne qui est surrogatoire. Où là, ce n'est pas une condition. C'est important, ça y est, quoi. C'est-à-dire que chaque nuit, quand tu te lèves pour suhur, tu te lèves pour suhur pourquoi? Pour jeûner. Parce que tu as l'intention de jeûner. Mais tu dois avoir cette niya-là que tu vas jeûner ce jour-là. Quand c'est un jeûne obligatoire, tu dois avoir cette niya-là dans la nuit. Pourquoi on dit dans la nuit? Bien parce que le jeûne surrogatoire, il se peut que tu te lèves le matin, et on va voir qu'attention, il ne faut pas avoir mangé ou avoir bu, etc. Et puis tu te lèves. Non. C'est-à-dire que tu te lèves et que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as pas fait quelque chose qui annule le jeûne. et qu'à ce moment-là, tu décides de jeûner. Pour un jeûne surrogatoire, c'est autorisé en raison du hadith d'Aïcha. Donc, Cheikh, il dit, et si en raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leurs intentions, et à chacun en fonction de son intention. Et d'après Aïcha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant la montée de l'aube n'a pas de jeûne. Il y a certains ulama qui disent que ça suffit une fois pour tout le mois de Ramadan. Et certains ulama disent qu'il faut le faire chaque nuit. Hein? Et il est donc obligatoire. Donc on a dit soit le hadith ici, il est rapporté de manière similaire d'après elle, Aïcha, et d'après Hafsa, dans le même hadith, par Al-Nasa'i, d'après Hafsa, par Abu Dawud et Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah. Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant la montée de l'aube n'a pas de jeûne. Il est donc obligatoire qu'il ait dans la nuit l'attention du jeûne obligatoire. Et donc quiconque a l'intention de jeûner pendant la journée, comme celui qui se lève le matin et n'a rien jeûné, mangé après la montée de l'aube, puis a l'intention de jeûner. Je vous donne un cas de figure ici. Il se lève le matin après le fajr. D'accord ? Hein ? Il a pris le fajr, peut-être qu'il s'est recouché, d'accord ? Et il se lève maintenant. Et il a envie de jeûner. C'est autorisé ou pas ? Si c'est pas un jeûne obligatoire, hein, d'accord, il peut faire à ce moment-là l'intention de jeûner. Cheikh dit, et donc quiconque a l'intention de jeûner pendant la journée, comme celui qui se lève le matin et n'a rien mangé après la montée de l'aube, puis a l'intention de jeûner, ce ne lui est pas permis, sauf en ce qui concerne le jeûne surrogatoire. Vous comprenez ça? C'est pas permis sauf le jeûne surrogatoire. Quant au jeûne obligatoire, il n'est pas accompli par une intention pendant la journée. Car le jeûne est obligatoire pour la journée dans son entièreté. Et l'intention ne tourne pas dans le passé. Quant au jeûne surrogatoire, il est permis d'en avoir l'intention pendant la journée. Et c'est en raison du hadith de Aïcha Kalanagré qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez moi un jour et a dit, avez-vous quelque chose ? Nous avons alors dit non. Il me dit alors je jeûne. Et le hadith, il est rapporté par le groupe, sauf Al-Bukhari, c'est-à-dire Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Et il y a dans le hadith qu'il sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas à jeûne, car il a demandé de la nourriture. Et il y a dans le hadith une preuve de la permission de retarder l'attention du jeûne s'il est surrogatoire. Et donc les preuves qui interdisent sont restreintes par ce hadith. Et la condition de la validité du jeûne surrogatoire en ayant l'intention durant la journée est qu'il ne doit pas y avoir avant l'intention quoi que ce soit qui s'oppose au jeûne, comme le fait de manger et de boire, etc. Et donc s'il fait avant l'intention ce qui rompt le jeûne n'est alors pas valide sans divergence à ce sujet. Et avec cela on a fini pas tout le livre de Siyam de Al-Mulakhas al-Fiqhi, parce qu'il reste un petit bab. C'était quoi le bab qu'on a dit? C'est ce qui concerne le qada, mais quoi spécifiquement sur le qada? Bab fi bayani ahkam al qada wal siyam. Chapitre de ce qui concerne les jugements de remettre le jeûne. Ce qu'on appelle le qada. On essaiera de le traduire le plus vite possible, inshallah. Et de le mettre sur le site avec le reste. Sur le cours précédent, ce cours-ci seront sur le site, inshallah aussi. Wa jazakum allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.